du 2 du 1 au 1er janvier dans mes 37 degrés à l'heure d'hiver. Certes à la porte comme un fardeau, comme un coup d'un soir. Alors que la vie est un cadeau un soir. L'amour n'est jamais sale et c'est mes seuls scellés. À l'heure d'hiver, je viens réchauffer les cœurs gelés. Y'a ceux qui prônent la haine et qui ne peuvent s'aimer. Une autre affaire de voir les leurs saigner. Y'a ceux qui osent être sincères, ceux qui ont peur de l'être. À l'heure d'hiver, je viens réchauffer les cœurs gelés. J'ai vu le sun que l'homme porte, des bombes éclatées, les yeux noirs, j'ai honte et je gratte ces quelques phases aux dernières lueurs de l'automne. Les premiers flocons de neige forment pendant que la haine attire la haine. J'entends parler de rage, plus de malaise, mais je sais qu'il faut qu'on reste fort. Et ne me parlez pas de retenue, au nom des familles lâchement tuées. Notre monde est sali par tant de haine, c'est l'heure de s'armer, de valeur pure. Trop de tarés se promène dans la jungle et face à ce qui se passe, je me bute. Mais la magie ne marche plus comme passé Noël sans sapin. Je vois qu'au milieu des balles qu'on tire, les civils sortent les drapeaux blancs. Moi, je vomis ceux que ces drames font rire. Qui friment comme des arrogants, franchement j'aime pas ça. Dur d'aller dans le sens des blabla. Nul à chier, ces pauvres types sortent des moqueries. Glauque, l'ambiance est glaciale sur la terre. Plus je pense m'éloigner de ce qui fait mal, plus je vois de pays paniquer. Je remarque ce délire va me quitter durant mes soirées hivernales. Car il faut que je passe à autre chose. L'envie de partir m'a baisé le crâne quand il s'agit de parler de paix. Ça m'attriste trop de voir la porte close. Certains la portent comme un fardeau ou comme un coup d'un soir. Alors que la vie est un cadeau en soi. L'amour n'est jamais sale et c'est mes seuls scellés. À l'heure d'hiver, je viens réchauffer les cœurs gelés. Y'a ceux qui prônent la haine et qui ne peuvent s'aimer. Une autre affaire de voir les leurs saigner. Y'a ceux qui osent être sincères, ceux qui ont peur de l'être. À l'heure d'hiver, je viens réchauffer les cœurs gelés. C'est mon voisin vibré sous son sapin, mon épée dorsale. C'est mon voisin vibré sous son sapin, mon épée dorsale.